Alors, comment ça va, vous? Moi, j'ai eu des moments difficiles, là, il y a deux petites heures, un truc comme ça, mais ça va mieux. Ça va mieux et on va passer une bonne soirée ensemble à écouter John Paul, Ringo, George, alias les Beatles. C'est la saga des Fab Four numéro 525, je crois. J'ai pas la feuille sous les yeux, elle est un petit peu plus loin. Mais on va y arriver parce que Marc est là pour faire une extension de bras. C'est bien, c'est la 525, c'est bien ce qu'on disait. Bravo les gars. Nous sommes le 2 mars 2022 et l'album de la semaine, j'essaie de chasser le chat que j'ai dans la gorge. Dès qu'il est parti, je reviens, ne bougez pas. Ça y est, il est parti. Donc l'album de la semaine, c'est Living in a Material World de George Harrison en 1973. Oui, parce que vu la tendance actuelle, j'ai envie de chansons d'amour, des chansons qui parlent de d'amour tout simplement, vous voyez, de paix, voilà ce que je voulais dire, paix, P-A-I-X, bien entendu, hein, on va pas être dans le graveleux. Il y aura donc Give Me Love, Give Me Peace on Earth, Living in a Material World, The Light That Has Lighted the World, Who Can See It, The Day the World Gets Round, et That Is All pour l'album de la semaine. Mais on ne s'arrête pas là, puisqu'il y aura aussi du McCartney, du Lennon, du Star et des Beatles. Pour McCartney, on entendra Dear Friend, le grand appel d'amitié de McCartney à John Lennon en 1971 sur l'album Wildlife. Il y aura Give Peace a Chance, évident, par John Lennon. Et la petite surprise que je vous donne dès le début de l'émission, c'est qu'on entendra Give Peace a Chance par George Harrison et Give Peace a Chance par Ringo Starr. Je n'ai pas trouvé avec George Harrison. Non, refaites. On entendra Give Peace a Chance par McCartney et Give Peace a Chance par Ringo Starr, pas par George Harrison, parce que je n'ai pas trouvé de moment où il chante Give Peace a Chance. Voilà, on commence tout de suite avec Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Écoute ça, toi, le dirigeant, hein? Give Me Peace on Earth. On est tous d'accord avec ça, tous. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 22h. Life, keep me free. qu'est-ce que c'est bon d'entendre de la musique douce qui rappelle qu'on doit s'aimer les uns et les autres. True. dire Dear Friend, c'est un peu comme si j'essayais de parler à John après toutes nos disputes suite à la fin des Beatles, raconte McCartney au sujet du morceau. La réécouter aujourd'hui me prend aux tripes. J'essaie de me contenir. Je me souviens avoir réécouté les versions brutes dans ma voiture tout récemment et de m'être dit, mon Dieu, cette ligne, really, truly young and newlywed. En entendant ça, je me dis, mon Dieu, c'est vrai. J'essayais de dire à John, écoute, tout va bien, tu viens de te marier, sers-toi un verre de vin, redevenons potes. Il ajoute, heureusement, on a fini par recoller les morceaux, ce qui m'a grandement soulagé. Ça aurait été terrible qu'il se fasse tuer alors qu'on était fâchés. Je n'aurais jamais eu l'occasion d'arranger les choses avec lui. Je lui ai tendu la main. Je crois que c'était quelque chose de très fort et de très simple en même temps. Et c'était absolument sincère. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette très très belle chanson sur l'album Wildlife de Monsieur Paul McCartney. On a parlé de Give Peace a Chance. La voici, John Lennon sur RIG. 1, 2, 3, 4. We'll be right back. love the one you shouldn't hate at all. You always take the sweetest rose and crush it until the petals fall. You always break the kindest heart with a hasty word you can't recall. So if I broke your heart last night, it's because I love you most of all. Kindest heart with a hasty word you come before. So if I broke your heart last night, it's because I love you most of all. It's because I love you most of all. Mon ordinateur m'indique que je ne l'ai passée qu'une fois, cette chanson. Eh bien, c'est regrettable. Il aurait fallu que je la place plus souvent dans la saga. C'est une bonne chanson, extraite de l'album Sentimental Journée 1970 de Ringo Starr. Voici les Beatles sur RIG. Just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Paul McCartney dans ses œuvres, et autant vous dire que quand on est français, essayer de chanter I've Just Seen a Face à la même rapidité que Paul, ça n'est pas forcément un truc facile à faire. Nous avons écouté successivement George Harrison avec Give Me Love, Give Me Peace on Earth, McCartney avec Dear Friend, John Lennon, Give Peace a Chance, et Ringo Starr, You Always Hurt the One You Love. Et à l'instant, les Beatles, I've Just Seen a Face. Avant de retrouver l'album de la semaine et Living in a Material World, la chanson de George Harrison, nous allons écouter des petits conseils pour tout savoir sur les Beatles. Il faut passer par le site de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Hein? Qui? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George,

un excellent morceau signé George Harrison en 1973 sur l'album éponyme Living in a Material World. Vous remarquez, je vous le dis à chaque fois que je passe cette chanson-là, qu'il, avec son humour pince sans rire de Liverpoolien, il dit « Nous avons rencontré John et Paul en faisant des tournées et on a également eu, on est devenu riche en faisant des tournées. » Alors que en anglais, évidemment, le jeu de mots est beaucoup plus facile. « We got Richie on the tour », c'est-à-dire « Richie, Richard, Richard, Ringo ». Voilà, mais en français, ça donne pas pareil. Voilà. Vous avez compris ? Prenez des notes, c'était bien. Allez, on joue des jeux d'esprit. Mind Games, 1973. Bon café à Rook et bon plaisir pour tous les autres. C'est une blague, c'est une private joke. R.I.G. Animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Titre de travail de cette chanson de 1966 sur l'album Revolver était The Void, le vide, d'après une citation de Timothy Leary, Beyond the restless flowing electricity of life is the ultimate reality, The Void. Derrière le mouvement incessant de l'électricité de la vie se trouve la vérité ultime, le vide. Heureusement, le titre final est une autre des expressions de Ringo, reprise par John pour que la première impression ne soit pas celle d'un voyage blême dans le néant. La musique s'articule autour de 16 bandes en boucle enregistrées par les 4 musiciens et que l'on fait à volonté apparaître ou disparaître. L'idée fut trouvée par Paul qui faisait des expériences sur son magnétophone. Il avait un petit grounding, explique George Martin, et il s'est aperçu que s'il enlevait la tête d'effacement et qu'il réenregistrait sur la bande en boucle, il pouvait saturer la bande avec un seul bruit. Alors évidemment, si vous êtes né en l'an 2000, vous ne comprenez absolument rien à ce que je viens de dire. Alors que si vous avez un peu plus de 40 ans, vous pouvez déjà arriver à suivre à peu près. Bon, je continue. Il le faisait tourner et s'ajouter à lui-même jusqu'à ce que la bande ne puisse plus rien absorber. Il obtint un effet intéressant et il nous l'amena et nous la fit écouter. Pour la partie vocale, John voulait chanter comme un chœur de moine tibétain sur le sommet d'une montagne. Eh oui, pourquoi pas. Vous imaginez le boulot de George Martin à essayer de faire plaisir à John Lennon. Il voulait qu'on entende les mots sans l'entendre lui, raconte George Martin. L'effet final, qui donne l'impression que John chante depuis le bout d'un long tunnel, a été obtenu en faisant passer le signal de son micro à travers les circuits d'une enceinte Leslie. Là, si vous n'avez pas fait des études d'ingénieur de son, vous ne comprenez rien. Mais globalement, faites-nous confiance, la musique est bonne. Paul chez lui, mais si je vous passe celle-ci, c'est mieux quand même. C'est vous qui m'avez poussé à passer cette chanson-là. Je vous lis sur Facebook. It was written that I would love you from the moment I opened my eyes and the morning when I first saw you gave me life under calico skies. Chanson Calico Skies sur Flame Empire en 1997. Retour à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Living in a Material World de George Harrison en 1973. Voici The Light That Has Lighted the World. Très belle chanson de George. as if nature itself. Bien sûr, RIG 90.7 si vous l'écoutez en FM dans la région bordelaise. Si ce n'est pas le cas, remarquez, vous pouvez très bien l'écouter aussi sur la région bordelaise. Vous pouvez l'entendre sur Internet, donc cette radio, sur www.rigfm.fr. Avant de retrouver Ringo et Pax Biscum, qui a un petit plus, il y a marqué « Peace be with you », je crois, c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, « Peace be with you », mais j'ai de bons souvenirs finalement. C'est d'extrait de l'album « I Wanna Be Santa Claus » en 1999. Mais juste avant ça, donc je disais, un petit message de cette radio dont j'ai parlé il y a un instant, la radio RIG. Votre radio locale RIG a le don d'émettre depuis plus de 40 ans. Merci à tous les donateurs qui, en 2021, ont contribué à financer le remplacement de notre antenne. Grâce à vous, nous pouvons continuer nos émissions. Aujourd'hui, notre équilibre financier reste fragile. RIG est une radio associative non commerciale, ne réalisant aucun bénéfice. Vous pouvez encore nous soutenir par vos dons et ainsi aider RIG à vous proposer un programme de proximité, varié et de qualité. Notez qu'une attestation fiscale vous sera fournie afin de déduire de vos impôts la majeure partie de votre don. Contactez-nous par mail. Direction@rigfm.fr. Direction@rigfm.fr. même si quelquefois dans leur œuvre solo, les ex-Beatles sonnent un petit peu comme les Beatles l'auraient fait vers l'année 69, vers Abbey Road si vous préférez. Là, on louchait franchement vers l'année 67 quand même, hein, avec le côté indien, etc. Mais c'est sympa, vous entendez les chœurs dire que la paix soit avec vous, monsieur, dame. Eh oui. Bien, on a parlé d'Abbey Road. Come together sur RIG. RIG 90.7, la radio des Beatles. Hold you in here. please hope to stay alive. La saga des Fab Four, ça vous est proposé tous les mercredis de septembre à juin sur 90.7 si vous êtes dans la région bordelaise ou sur www.rgfm.fr si vous êtes dans la région bordelaise ou bien plus loin. Et je vous ai proposé la Paul McCartney en 1993 et ce titre sur l'album Off the Ground. Le titre c'est Peace in a Neighborhood, n'est-ce pas, hein? Et peut-être il y a une petite corrélation avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Bon. Eh bien, je vous avais promis en début d'émission qu'on passerait plusieurs versions de Give Peace a Chance. La voici au milieu d'un medley, Strawberry Fields Forever, Help et Give Peace a Chance. C'est Paul McCartney en live à Liverpool, s'il vous plaît, en 1990. Ah, thank you. Thanks a lot. Still enjoying yourselves? Okay, I tell you what. We've learned up a little special thing, especially for Liverpool here. And maybe you're going to help us out with it and sing along with it if you know the words. This is just a little tribute to someone we love dearly. 2, 3, 4. I'm going to On écoutera plus tard dans l'émission la version de Ringo Starr de fin de tournée, en tout cas de fin de show de Ringo Starr. Là, c'est l'album de la semaine avec Who Can See It, très belle chanson signée George Harrison sur Living in a Material World. C'est Thierry Gallet qui vous accompagne dans la saga des Fabports jusqu'à 22h. Nous sommes arrivés au moment de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par Paul, John, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou après la séparation des Beatles, même si les Beatles eux-mêmes faisaient une reprise à l'époque, par exemple de Chuck Berry, comme vous voulez. Eh bien, cette semaine, la reprise, c'est le gars que vous aimez bien, là, John Pizzarelli, ça donne toujours faim. J'ai deux albums de lui, un dans lequel il reprend les Beatles, un autre dans lequel il reprend Paul McCartney, c'est jazzy, c'est très très sympa. Je vous propose la version Get Back de John Pizzarelli dans l'album John Pizzarelli Meets the Beatles en 1998. C'est la cover de la saga des Fab Four numéro 525 sur RIG. Couldn't last. Jojo left his home. Oklahoma, Tucson, Arizona, for some California grass. Oh, get back, get back, get back to where you once belong. Oh, get back, get back to where you once belong. Get back, JoJo. Sweet Loretta Martin thought she was a woman, but she was another man. She's got it coming, but she gets it while she can. Eh bien, moi, je trouve que cette cover est plutôt réussie. Elle est complètement différente de l'original, c'est clair, mais c'est plutôt bien. Je vous propose de revenir dans le temps, parce que le thème que j'ai choisi aujourd'hui, en raison de l'actualité, c'est les chansons d'amour ou les chansons qui parlent de paix. Donc, voici une chanson de Noël de John. C'est pour le message « Happy Christmas » et entre parenthèses « War is over ». Et à l'époque, il avait marqué « War is over ». If you want it, si vous le voulez. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. fly. I'm crying, sitting on a cornflake, waiting for the van to come. Corporation t-shirt, stupid bloody Tuesday man, you've been a naughty boy, you let your face grow long. Talking about freedom, I will fight for the right to live in Un hymne à la paix, pas aussi fort qu'imagine, d'accord, mais n'empêche que ça a été composé à la va-vite après 2001. Après la catastrophe du mois de septembre 2001, Paul McCartney a créé cette chanson qu'il a fait lors du concert qu'il a organisé lui-même avec quelques copains pour aider les New Yorkais. Et cette chanson-là est même venue au dernier moment sur l'album alors qu'elle n'était pas prévue. Donc c'était une chanson en plus, si vous voulez. D'accord. Allez, on retrouve l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Living in a Material World de George Harrison en 1973. Et cette belle chanson, douce, hein, cet album-là est relativement doux. The Day the World Gets Round. George Harrison sur RG. Il y a quelques secondes de Imagine, justement, quand j'ai parlé de Freedom. On va retrouver cette chanson-là, mais juste avant, un petit message de la radio. Votre radio locale RIG a le don d'émettre depuis plus de 40 ans. Merci à tous les donateurs qui, en 2021, ont contribué à financer le remplacement de notre antenne. Grâce à vous, nous pouvons continuer nos émissions. Aujourd'hui, notre équilibre financier reste fragile. RIG est une radio associative non commerciale, ne réalisant aucun bénéfice. Vous pouvez encore nous soutenir par vos dons et ainsi aider RIG à vous proposer un programme de proximité, varié et de qualité. Notez qu'une attestation fiscale vous sera fournie afin de déduire de vos impôts la majeure partie de votre don. Contactez-nous par mail. Direction@rigfm.fr. Direction@rigfm.fr. earth's only sky. Plus tard, ça n'est plus que jamais d'actualité. C'est plus que jamais d'actualité. Merci John Lennon pour cette superbe chanson. Voici une autre superbe, signée George Harrison. Vous savez que c'est ma chanson chouchoute. While my guitar gently weeps. À un moment donné, il regarde le monde et il voit que j'aurais besoin d'un coup de balai. Gently weeps. la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? I take two. Okay. Parce que deux heures, ça passe finalement tellement vite. Dans quelques minutes, ce sera Eric et le live de Johnny de A à Z. Ça va être génial. Merci pour ces deux morceaux extraits de l'album blanc. Voici l'album de la semaine pour la dernière fois. That is all. Monsieur George Harrison sur RG. Et le thème de cette soirée. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'amour. All you need is love, les Beatles sur RG, dans la saga des Fab Four. Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Thierry tient sa parole en fin d'émission. Vous avez promis Give Peace a Chance par John Lennon, Give Peace a Chance par Paul McCartney. Voici Give Peace a Chance par Ringo Starr. Yeah.

ainsi que se termine la 525e émission de la saga des Fab Four. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et je vous laisse dans les bras de Morphée, celui qu'on appelle autrement Eric également. Non pas qu'il endorme, mais parce qu'il est tellement agréable que vous vous sentez bien avec lui. C'est Eric dans quelques instants pour son live. Comment on retombe sur ses pattes, Johnny de A à Z. À très bientôt, salut.